Elle est où la piscine? Dans tes cauchemars. On a pile une piscine piégée. Y'a du sel dans l'eau et des tourelles cachées. Les vieux et regardent en PLS quand le nous plonge se fait presse. La piscine des pièges. Faut aimer l'eau et les sièges. Rider scale en maître, nageur, mais son sifflet, c'est un lanceur. J'ai mis des mines au fond du bassin et des lasers dans les coussins. Tu crois chill, mais t'es foutu. Bienvenue à Rustland, Plouf City Crew. Un toboggan en métal rouillé, un piège qui fait clic quand t'as glissé. Mais c'est l'été, on rit, on looté, on finit tous à poil sans doute. La piscine des pièges, un lieu fun pour rageux et sages. Un stream d'été en maillot déchiré, ou te meurs avec style, ou pas du tout stylé. La piscine des pièges, faut aimer l'eau et les sièges. Rider scale en maître, nageur, mais son sifflet.